imaginer un monde sans musique où nul ne peut chanter. Hola, la musique, Raphaël Corbi. Rien que du silence. Una nova edició obre les seves portes per tots els nostres oients. La música. Benvinguts i benvingudes. Us parla de nou el vostre company amic a la presentació i direcció d'aquest espai de música en francès. Soc Raphaël Corbi. I avui, com fem habitualment, doncs de tant en tant, molt de tant en tant, ens toca un programa d'aquells eclèctics, d'aquells amb música molt diferent. Un programa aleatori amb tots els estils i els intèrprets que ens dongui abast aquests minuts que tenim dedicats amb el nostre programa. I començarem, per exemple, en Joe Dassin, amb una de les seves cançons, però continuarem amb Stromae i amb François Hardy. Tot això al començament del nostre espai. Chaque fois que j'y pense, ça m'avance à quoi dit, ça m'avance à quoi. Si j'en rêve, oh oh, car j'en crève, oh oh, de rester sans toi. Passer d'une pièce à l'autre, ça m'avance à quoi dit, ça m'avance à quoi. Tant de place, oh oh, tant d'espace, oh oh, tout est vide sans toi. C'est mes goûts que j'écrase, ça m'avance à quoi. Ça m'avance à quoi. Dans la brume, oh oh, qui m'enfume, oh oh, j'oublie ton parfum. Et l'alcool qui me saoule, ouais, ça change quoi. T'attendre, ça m'avance à quoi dit, ça m'avance à quoi. Ta voix font tourner la tête, tu me fais danser du bout des doigts, comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette, ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus? Et voilà, et voilà. Tu ne m'aimes plus ou quoi? Et voilà, et voilà. Après tant d'années, et voilà, et voilà. Une de perdue, c'est ça. Et voilà. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi?

Després de la música d'aquests personatges que us havien comentat amb François Hardy amb aquesta darrera cançó Coupé, seguim a través de la Music, aquest programa eclèctic, diferent. Aquest és un tipus de projecte que un ha d'entendre abans de disfrutar-lo. Una banda atípica creada per Marc Collin i Olivier Libeau, dos músics francesos preocupats d'homenatjar les cançons que més van estimar durant la seva adolescència dels anys 80, amb una clau més suau, jazzística i brasilera. Són els Nouvelle Vague i amb Melaine Payne ens portaven aquesta peça, per exemple, des del seu àlbum Colors sur Paris del 2010. També Christophe i Henri Gogo ens acompanyen amb els propers minuts. Ta petite chérie ne veut pas ce soir parce qu'elle est réglée. Alors tu viens me voir, tu sais que je ne suis qu'une déréglée. Je suis gentille, je suce des réglisses, je suis méchante. Je prends des raclées, comment vous me conseillez des réglisses sur mon indifférence déréglée. Tous les mâles le savent, ils connaissent le chemin et ils ont la clé. C'est pas grave, après tout je ne suis qu'une déréglée. Je suis gentille, je suce des réglisses, je suis méchante. Je prends des raclées, comment vous me conseillez des réglisses sur mon indifférence, je suis déréglée. Alors n'aie pas peur, viens me voir un quart d'heure, tu seras comblée. Tu sais que je suis ton ami, du moment que t'oublies pas de me régler. Ta petite chérie ne veut pas ce soir parce qu'elle est réglée. Alors tu viens me voir, tu sais que je ne suis qu'une déréglée. Je suis gentille, je suce des réglisses, je suis méchante. Je prends des raclées, comment vous me conseillez des réglisses sur mon indifférence, je suis déréglée. Je suis gentille, je suis déréglée, je suis méchante. Je prends des raclées, comment vous me conseillez des réglisses sur mon indifférence. Je suis gentille, je suis méchante. Soir sans fin, je traînais sur ma Vespa, dans mon gilet de satin, c'était la Dolce Vita. Je cherchais l'aventure jusqu'au petit matin. Je me prenais pour Bénur en conduisant d'une main. T'es rencontré, et puis tout a changé. Le piège était facile, tu es tombé dans mes bras. On se promenait en ville, c'était la Dolce Vita. Cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé ne pouvait pas me blaser. l'obscurité. Je te revois encore. Chercher la nuit à te remplacer, et pour quelques heures parfois, c'était la Dolce Vita. Mais cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé, je ne l'ai jamais retrouvé. Et le soleil sur ma mémoire en ruine, tous les soirs sans fin, je traîne un vieux désarroi dans mon gilet de chagrin, loin de la Dolce Vita. Et cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé, je voudrais l'oublier. Par une fente de l'aube, un raisin noir est tombé, qui s'en est allé roulant jusqu'au pied de la muraille de l'éternité. Et quand ce raisin s'est écrasé contre l'éternité dure, de son sang sucré je suis né, moi le berger de parole, mon pays, c'est le pays des pèlerins, mon pays, c'est un ruisseau vagabondant qui va son chemin d'ivrogne entre la montagne et la mer. Mon pays, c'est peut-être une étoile rouge, une figue qui tombe dans la bouche de Dieu, tombe rouge comme un cœur, mon pays, c'est l'âme du monde, où demeure toute parole humaine, et moi je suis berger de parole. Voilà ma vie. Un jour, par une fente du temps, un raisin blanc tombera, qui s'en ira trébuchant jusqu'au pied de la muraille de l'éternité. Et quand ce raisin s'écrasera contre l'éternité dure, dans son sang je me noierai, dans un raisin blanc je mourrai, moi le berger de paroles. Aquesta és la música fantàstica en Francesc ens porta Friends Gold, la recordadíssima artista que ens portava també dins aquest programa avui un pèl diferent del que estem acostumats, però que de tant en tant us oferim un programa eclèctic amb música diversa, d'estils diversos i d'artistes molt diversos i generacions també, entre elles separades per un munt d'anys, però que tenen en comú la llengua en aquest cas. Era Friends Gold qui ens acompanyava. Àngel Rodríguez, quin artista ens portarà avui? Benvingut de nou a Hola la Music. Julien Doré és un dels cantants de moda del moment a la francofonia. Ja en el seu moment us vam proposar un dels seus grans èxits, el Portovecchio. Julien Doré va néixer l'any 1982 a la població d'Alé, a la regió de l'Occitània. L'any 2018 va guanyar l'edició del programa de la televisió Nouvelle Star, una mena de la nostra Operació Triunfo. I avui us proposo la peça extreta l'any 2016 anomenada Lelac. C'est fort où rien ne respire, corps contre corps, ciel contre cime, la forêt se tord, l'horizon soupire, t'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps. Qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire, t'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps, qui respire, pourvu que désormais nous regarde. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Gràcies, Àngel, per aquesta col·laboració a La Music. Era Julien Doré amb Le Lac, aquesta una de les cançons, com ens comentava ell, que ens partia del seu àlbum, que ens va publicar temps enrere el 2016. Després de Julien Doré, recordarem i recordarem amb un artista amb el seu àlbum de debut, l'Alizé Jacotí, coneguda com Alizé, cantant francesa, nascuda i criada a Còrsega, a Ajaccio, i que ens va portar el 2001, el 13 de març concretament, el seu àlbum de debut, editat per Polydor Records, Gourmandises, amb aquestes delicadeses que ens portaríem. Un àlbum que va tenir unes vendes de més d'un milió de còpies a Europa, que va realitzar quatre senzills, que són els quatre que escoltarem i que li van donar una fama extraordinària, molt especialment el primer dels senzills, el Moi Lolita, que va ser realitzat el 4 de juliol de l'any 2000, gairebé un any abans de l'àlbum, com a senzill d'avançament, i que es va fer molt popular a França, Espanya, Bèlgica, Georgia, Àustria, però a més a diversos països de tot el món, Regne Unit inclòs, i també doncs, a Azerbaiyán, a Turquia, a Rússia, etc, etc. Un senzill que corre molt i que a Catalunya també va ser dels més coneguts. Per tant, amb aquesta cançó començarem el repàs dels quatre senzills de l'àlbum de debut de l'Alizé. Fem amb Moi Lolita. Amour diluvienne,

Parler de moi. Així hem recordat els quatre senzills d'aquest àlbum de l'Alizé, el seu àlbum de debut, aquest Gourmandise, des de l'any 2000. La seva música ens ha acompanyat, especialment amb els dos primers temes, els més coneguts, que van ser els que van triomfar Moi Lolita arreu, i l'Alizé també a França, on va estar un munt de setmanes a la primera posició. Les dues cançons més destacades d'aquest disc, aquest Moi Lolita, escrita per un altre gran cantant com Mylène Farmer, i la música de Laurent Boutonnat, i després l'Alizé també, una cançó que també era amb aquests mateixos protagonistes. Són els dos grans senzills realitzats, el primer d'ells, com dèiem, el Moi Lolita, que va sortir el juliol del 2000, i com a segon, també abans de la publicació de l'àlbum, l'Alizé va sortir el novembre de l'any 2000. Un bon repàs, doncs, al debut d'un artista que la tindrem més sovint també aquí amb el nostre programa, amb d'altres dels seus àlbums editats. Ara és l'hora de continuar amb Volalà Music. Ja a la recta final ens queden poques cançons que seran representatives d'estils diversos, com per exemple Sergio Reggiani, després Meta James amb la companyia d'Insolent, i Reda Kerr també amb el nostre programa. J'écoute Edith sur un phono par hasard, un disque en mono, la chanson est de Marguerite, qui n'a pas connu Gemini, ni les minets, ni les mini-jupes, ou cerveau qu'on nous débite. Je connais la chanson par cœur, je ne vois pas pourquoi j'ai peur soudain d'apprendre quelque chose de tragique et bête à la fois, qui n'existait pas autrefois, quand tu chantais la vie en rose. Cela ne dépend pas de toi, tu chantes de la même voix que tu as gravée dans la cire. La chose est arrivée depuis chez les vivants qui t'ont conduite, où l'on n'éclate plus de rire. En quoi cet instant de salut à deux refrains qui m'avaient plu peut-il jeter en moi ce trou qui me laisse désemparé, comme si j'avais comparé du pommard avec du chirou. Edith, les enfants n'ont de toi qu'une image tenue parfois de myopes intermédiaires, et ils ne sauront jamais plus ce que c'est que d'avoir perdu sa lumière dans ta lumière, que de t'avoir donné la main ou le cœur un bout de chemin, que d'avoir effleuré ton rêve. Ils n'entendront que les échos déformés de tous les pancos de ton existence trop brève. On est libre étant cabotin d'améliorer son picotin avec des revers de médailles. Chacun s'arrange à sa façon, souviens-toi de Reims, de Soissons et du cirque à tes funérailles. On force un peu plus simplement, on vend son papa, sa maman, avec plus ou moins d'aptitude. On a du monde autour de soi, ce n'est pas toujours avec joie que l'on manque de rectitude. heureux sont ceux qui ont brillé, dites, dans ton rêve éveillé, c'est une merveilleuse histoire. Lorsque l'on n'a rien qu'une fois eu le droit de poser le doigt sur la soie de ta robe noire. Tu n'as pas connu Gemini, ni les minets, ni les mini-jupes ou cerveaux qu'on nous débite, mais tu chantes sur mon phono par hasard un disque en mono. La chanson est de Marguerite. Vise dans le mille comme Richard. Richard Mille, Lamborghini, voilà ce que les hommes veulent. Grosse poitrine, ventre plat, voilà ce que les femmes veulent. Richard Mille, Lamborghini, voilà ce que les hommes veulent. Grosse poitrine, ventre plat, voilà ce que les femmes veulent. Ceux qui ont pris des décennies te diront qu'à la maison d'arrêt de Fresnes, rien n'a fleuri. Le type me dit que sa cocaïne est tellement blanche que dans la nuit noire elle éblouit. Bienvenue dans un monde où le désespoir règne, ça vise pas plus aucun job à la mairie. T'es mort dans le film, l'expert c'est exactement où les spermatozoïdes ont atterri. T'inquiète pas pour moi, la famille te fait pas de bile. Ne mets juste pas tes lèvres quand tu fais la bise. Tease à ma tête. Sans pour tout ce que je vise, anticipe, analyse comme Richard vise le mille. J'étais à Kinshasa le jour de l'attentat à Madrid, enfoiré, j'ai un alibi. Que Dieu me préserve de mourir humilié, frustré, tout comme le chef de la Libye. Un petit lobby dans mes femmes se prend supérieur à la norme, malin et rusé. Mais seulement 2% d'entre eux mourront sans verser une larme comme Hussein. T'as pris des risques en traversant la Méditerranée, tu forniques sans être soupçonné. À la recherche de quelques femmes discrètes qui ne parlent pas, qui ne louvent que pour sucer. Richard Mille, Lamborghini, voilà ce que les hommes veulent. Grosse poitrine, ventre plat, voilà ce que les femmes veulent. Richard Mille, Lamborghini, voilà ce que les hommes veulent. Grosse poitrine, ventre plat, voilà ce que les femmes veulent. Le temps c'est de l'argent, je le porte pas dans mon cœur mais sur le poignet. J'avance dans la luxure, les yeux bandés, est-ce que vous me voyez? 95D, Ferrari neuve, terminé. Fuck le salaire à mille feuilles. Ils en ont trop dit, peu fait, ok, je vais les crever. Il faut les gonfler, je serais pas choqué de les voir ramper pour un billet, vendre leur remède. J'arrive comme 700 kilos d'âge d'excédent devant les portes de l'Occident. Y'a rien à dire, Rico, je suis excellent. C'est bien sur mon 11 que ton mec s'adore. J'avance dans le game en boitant Calibre, la main droite dans l'autre un cocktail. Je veux un gros gamos, fuck la Opel. Je suis la preuve que le talent paye. Je fais que du salon, m'apprécie. Je t'enfonce mon slash dans la vessie. Je suis un rat sur face. Així, amb aquestes cançons anem finalitzant el nostre programa. Gràcies per haver estat amb aquest programa eclèctic d'Olala Music, en l'especial companyia de l'Alizé i també de l'Àngel Rodríguez, que ens ha portat en Julien Doguer, però a més amb tots els altres artistes que avui hem anat escoltant, acabant amb aquest tema de Metagyms, amb aquest tema amb Insolent i amb una darrera cançó darrere que ens acompanyarà. Un tema del 1935. Mireu que avui he anat lluny i enrere en el programa d'avui. I a més que se sent malament, però és igual, recordem-la. La història de la música de la cançó francesa enregistrada amb Citeaux Radiants. Serà fins la propera. Gràcies per haver-nos acompanyat. Hola la música, amb Rafael Corbí. Je sais très bien que tout l'aime ou ne trouve rien. J'attends ce que tu me diras si tu reviens. M'écris que tu les déplores, toutes tes erreurs d'autrefois. Tu dis que tu m'aimes encore, et que ce soir tu reviendras chez moi. Vois-tu que l'on peut dans la vie jouer avec un grand amour, et puis quand vous en prend l'envie, annoncer gaiement son retour. Si tu reviens, sauras-tu demander pardon, me donneras-tu la raison pour laquelle tu t'en allas. Je sais très bien que tous les mots ne prouvent rien. J'attends ce que tu me diras si tu reviens. Voilà car pourtant que l'heure sonne, devras pas glisser ce toit. Le pas s'éloigne, le frissonne. Vas-tu me quitter encore une fois? Et je dis tout à l'heure, ces mots je ne les pensais pas. Je ne menace plus, je pleure, en suppliant je tends mes bras. Si tu reviens, ne me demande pas pardon, ne me donne pas la raison pour laquelle tu t'en allais. Je sais très bien que tous les mots ne prouvent rien, il suffira que tu sois là.